Disfouche pas. Avec moi, je peux pas vous foncer fille. Elle est vue, j'ai un poids. Mais des fois, pas foncé. Et les fois, fait les choux. Comptez, force pété. Monte ma suite, pour moi, c'est. Pour moi, c'est. Des fois, c'est, des fois, c'est. Thank you.